cajole, il construit ta geôle. Et s'il te tient chaud, c'est dans un cachot. S'il dresse la table, ce n'est qu'un tour pendable. Il se montre faux jusqu'à l'échafaud. Car l'amour t'enferme et d'une main ferme. Il sort du fourreau, l'arme du bourreau. Au fond d'une cage ou bien d'un corsage, l'amour est ton maître, il veut te soumettre. Quand l'amour vous ment, vient vous tourmenter. Faites-en un roman à votre tourmenté. Quand l'amour te prend pour aller danser, à ton tour surprend, envoie-le valser, envoie-le valser. T'invite au bal si ton cœur s'emballe. Il te fait tourner pour te retourner. Quand tous ces violons jouent de leur archer, ses meilleurs archers te mettent au violon. L'amour t'encage dans son marécage. Ses sables mouvants sont si émouvants qu'on s'y laisse prendre avec l'âme sœur. Et plein de douceur, on se laisse pendre. L'amour vous ment, vient vous tourmenter. Faites-en un roman à votre tourmenté. Quand l'amour te prend pour aller danser, à ton tour surprend, envoie-le valser. Envoie-le valser. Envoie le valser, envoie le valser.